Elle a le sourire mima dans toutes les circonstances. Quand la vie rend minable, y'a qu'elle à qui on pense. Quelques halouas cachés dans une boîte à couture. Elle a ce truc en plus qui nous rend fiers de nos coutumes. Y'a la fête dans le salon, mais l'ambiance est dans la cuisine. Mima fait la vaisselle tout en balançant des bêtises. J'adore. Première Winston, premier soudif, premier amour, dernier fouet. Un souvenir Andy. J'ai vu ta force le jour où t'as perdu un fils. Oh, j'aimerais te donner plus, mais tout ne tiendrait pas sur un dix. Écoute-moi, t'en vas pas. Regarde-moi, réponds-moi. Écoute-moi, t'en vas pas. Regarde-moi, réponds-moi. Une sacrée femme, un sacré phénomène. Je retiens pas mes larmes, là, ce don d'effacer les peines. Tu m'as appris tout ça, les valeurs que l'on s'aime. Je serai pas la même sans toi, et je rejoue la scène où tu m'as dit. S'il y a l'amour et la passion, de la folie dans la raison, on peut toucher les étoiles, ne change rien. Ni ton charisme, ni ton âme, ni ta douceur, ni ton charme, ni tes principes, ni ton voile. J'ai vu ta force le jour où t'as perdu un fils. Moi je t'ai perdu, oui, ma, donc je parle que de toi sur mon disque. Écoute-moi, t'en vas pas. Regarde-moi, réponds-moi. Écoute-moi, t'en vas pas. Regarde-moi, réponds-moi. Réponds-moi.